François Morel, c'est à vous. C'était le temps des B. Les chanteurs qu'on écoutait en ce temps-là avaient tous des noms qui commençaient par un B. Brassens, Brel, Beco, Barbara, Bouloudji, Georges Boustaki, Léo Béret, Jean Bérat, Bobby Bapointe et aussi Pierre Béret, Anne Bilvestre. Sans oublier, naturellement, Guy Béard. C'était des géants, des consciences, des références. Ils savaient faire des chansons et c'est un art si particulier que de savoir faire une chanson. Parfois, un texte bancal, accouplé à une musique approximative, réussit à faire un chef-d'œuvre de grâce, d'élégance, de finesse. C'est si mystérieux, une belle chanson. Elle n'a pas forcément besoin d'un grand texte. Elle est gênée aux entournures si sa musique est trop érudite. Remarquez qu'une musique médiocre sur des vers insuffisants ne garantit pas non plus l'excellence. Non. C'est si fragile une chanson. Une chanson, disait Guy Béard, ingénieur et poète, c'est une équation et une émotion. Claude Lévi-Strauss a écrit, vous êtes sur France Inter, « Tout le monde sait que l'artiste tient à la fois du savant et du bricoleur ». Guy Béard a su écrire des chansons patrimoniales de celles que l'on apprend à l'école et qui ont l'évidence des comptines. À la claire fontaine, il pleut, bergère, ma petite est comme l'eau, m'en allant promener, rentre tes blancs moutons, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Guy Béard a su écrire des chansons éternelles que l'on aurait pu croire écrites il y a des siècles par des ménestrels, des troubadours et des trouvères, racontant la vie des chevaliers et leurs amours courtoises. Guitry l'avait dit affectueusement au sujet de la chanteuse Mireille, elle n'est pas desservie par une grande voix. On aurait pu le dire de la même manière au sujet de Béard, il n'était pas desservi par une grande voix. Peu importe, c'était la voix du cœur, celle de la sincérité, celle de l'impérieux besoin de chanter, de raconter le monde, de le rêver meilleur, plus léger, plus joli, plus apaisé. Quand un chanteur comme Guy Béard disparaît, on a tendance à faire son Pérec. Je me souviens de son émission Bienvenue avec Michel Simon. Je me souviens qu'interrogé par un journaliste de France 3 le soir de la mort de Brassens, il avait répondu en chantant intégralement et a cappella « Pauvre Martin ». Je me souviens de Harold Desmaud, Madeleine Renaud chantant « Les couleurs du temps » sur la scène du théâtre d'Orsay. Je me souviens de mon premier cachet de figurant dans une émission de Michel Drucker consacrée à Guy Béard chantant les chansons de la Belle Époque. Je me souviens que j'avais passé toute la journée assis à côté d'Emmanuel Béard, joli comme un cœur. Je me souviens de l'avoir souvent mal imité en frappant frénétiquement sur mon ventre une guitare imaginaire. Le matin, je m'éveille en chantant et le soir, je me couche en chantant. Je me souviens de paroles qui me restent dans la tête. Pour une femme morte dans votre hôpital, je réclame Dieu, votre grâce. Si votre paradis n'est pas ornemental, faites-lui sa petite place. Je me souviendrai que Guy Béard est mort un jour de fin d'été en sortant de chez le coiffeur. C'est un homme rasé de près, frais, bien peigné, impeccable et sentant bon qui est parti embrasser le bon Dieu. François Morel, merci beaucoup et merci pour Guy Béard.